Allez, on est parti. C'est bon. Alors, bonsoir. En manchette ce soir, on a un gros dossier tiède sur UV Ball. Vous êtes à 70%. Soixante et dix pour cent. Show radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui accro tout comme vous. Ça vous présentement 70%. Bonne écoute. Effectivement, merci beaucoup à Réal V. Benoît qui nous a composé cette magnifique chanson. Bonsoir tout le monde, comme tantôt, mon nom c'est Tommy Godette. Je suis flanché à ma droite, vous allez reconnaître Bruno Corbin, fidèle lecteur de nouvelles. Bonsoir. Aficionado de spaghettis aussi, que j'ai entendu dire. Oui. Et sinon, ben, les chroniqueurs aujourd'hui, je vous les nomme un petit peu dans le désordre. Il y a l'excellent Mathieu, Éric Carmen, Andy qui est là également. On a Laurent qui est revenu nous voir. Une autre trace de break du passé, mon cher. On me fait signe que oui. Jesse et Damien qui est quoi cette semaine? On parle de quoi? En fait, je reçois mon ami. Il s'appelle Stéphane Gauthier et il est pilote de Formule 3000. Ah, OK, voilà. Donc, on est très content. Oui, hein, c'est la fin de semaine du Grand Prix. Ken Sicko, ouais. Notre invité aussi, peut-être on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donnez-y. Si vous êtes là pour l'entendre chanter, ça va se passer à la fin de l'émission. Pour l'instant, j'ouvre mon petit œil. On va parler d'un petit peu du tout et du rien. Est-ce que tu es une fan de Formule 1, toi? Depuis tout le temps, je regardais pas mal, en fait. Ah, ouais! Parce que Schumacher gagnait tout le temps, donc je savais qu'il allait gagner. C'est confortable. C'est là. Ça, c'était réconfortant. Je pense que j'ai pogné un petit serpent dans mon œuf Kinder ici. Hey, chanceux, hein? Ben oui. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues de la musique? Musicienne de naissance, de passion? Ton père qui voulait pas te laisser faire autre chose? Ben, j'ai commencé, ils m'ont mis au piano à 5 ans, en fait. Et puis j'ai commencé à... J'étais tannée du piano classique. Et puis j'ai commencé à jouer dans mes premiers bands de rock. J'avais 14 ans sur stage, ouais. Voilà. Crime, hein? C'est une belle aventure. J'ai toujours fait ça. Ben oui, t'aimes-tu le dernier de Chopin? Tu l'as trouvé comment? Oui, c'est défoncé. Il est c'est ça, vraiment. Hein? On sent qu'il est revenu à la source, ça. J'aime bien ça, ces affaires-là. Et ça apprécie. Puis là, j'ai vu que t'as traîné ton guitariste quand même vedette. Vous êtes rencontrés où? J'aime tout le temps ça parler de ces affaires-là. On s'est rencontrés dans un endroit qui s'appelle le Vauban à Brest, qui est une salle de concert mythique de l'Ouest en Bretagne, qui est un peu comme l'Olympia de l'Ouest, on va dire. Et voilà. Il y a eu un déclic. Exactement. Il a dit « Viens prêter ta guitare », puis lui il a dit « Avec plaisir ». Ben, c'est pas venu comme ça au départ, c'était d'abord une rencontre humaine, puis petit à petit, de fil en aiguille, les choses sont passées comme ça. Est-ce que tu es habitué avec le concept de douteux.org, avec le show dans lequel tu es présentement? Absolument pas. Absolument pas. De la manière que ça marche, tu vois, tantôt j'ai présenté des chroniqueurs, puis nous on les invite à venir parler sur le stage. Toi, comme tu as écrit des belles chansons, puis que tu vas nous les passer à la fin de l'émission, je pense qu'on va se lancer tout de suite dans l'expérience avec les chroniqueurs. Okay. Toi, tu es sur le stage, j'ai un micro. Donc, okay. Laisse-toi aller. Hein? Okay. Oui, c'est ça qui est important. Fait que, ben voilà, merci tout le monde d'être avec nous. On vous souhaite un excellent 70%. Et là-dessus, Nick, go, man! Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Salut Bruno! Hey, salut! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire... écoute, c'est des nouvelles, mais j'ai une nouvelle. Alors, je vais appeler ça la chronique « Un morceau de robot pour l'humanité ». Ah! C'est ma nouvelle chronique qui va durer juste une fois, parce que vu que Andy m'a déjà volé ma job, je me suis dit que j'y volerais la sienne. Vengeance. Fait qu'on parle d'Uwe Boll, réalisateur allemand. Cinéaste allemand nationalisé au Canada, d'ailleurs, parce qu'il habite à Vancouver depuis quelques années. Oui. C'est un peu full circle pour moi aujourd'hui. La première fois que j'ai assisté à une émission de 70%, j'accompagnais mon ami Benoît Poirier qui faisait la deuxième partie de sa chronique sur le cinéaste Uwe Boll. Il faut appeler un chat un chat. Oui. Cette semaine, donc, notre réalisateur allemand controversé préféré a encore fait les nouvelles, tel un anti-Lars von Trier, Uwe, le chevalier du mauvais goût, défenseur du va-vite, dévoué au one-take, et maintenant en croisade pour justifier l'existence de son imposante œuvre de médiocrité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Uwe Boll, voici un peu le background pour mieux comprendre le personnage et la situation. Né à Wermelskirchen en Allemagne en 1965, Uwe tombe rapidement amoureux du cinéma. Il produit plusieurs courts-métrages en Super 8 avant de commencer ses études en cinéma, donc à Munich, puis à Vienne. Il étudie aussi en économie, études qui lui serviront plus tard pour financer ses films. On y viendra. Et obtient un doctorat en littérature en 1995. En 1992, il fonde aussi une compagnie de production, Boulou Film Productions and Distributions. Le CV est impressionnant et on pourrait penser que ça peut servir à évaluer quelqu'un sur son talent, ce genre de choses-là. On serait dans le champ. Hey boy, oui. Malgré la passion, malgré les études, malgré le fait que nous partageons, lui et moi, le même film préféré, genre, là, j'ai plus 14 ans, fait que j'ai pas rien qu'un film préféré. Effectivement, là, mais, je comprends. Voilà. Mais tu parles de quel film? Je parle de Apocalypse Now. Très, très bon film. Uwe n'arrive pas à comprendre comment on réalise un film. De 1991 à aujourd'hui, il a réalisé, produit ou écrit plus de 50 films, dont la majorité sont inspirés de jeux vidéo. Ouais, effectivement. Tous ces films ont aussi un score en allant de 1 à 25% sur Rotten Tomatoes. Il est important de noter qu'une étude récente a déterminé qu'entre 1 et 25% des critiques de cinéma souffrent de déficience mentale. Alone in the Dark, Blood Rain, In the Name of the King, Alone in the Dark 2, Blood Rain 2, In the Name of the King 2, Seed, Rampage, In the Name of the King 3, Seed 2, Rampage 2, pour n'en nommer que trop. Uwe n'est pas le genre de gars à se laisser décourager par son manque de talent ou par l'inexistence de ses fans. Il fait des films. On apprend bien vite comment son diplôme en économie lui sert et découvre un programme allemand qui permet à n'importe quel producteur de se faire rembourser 50% du budget de ses productions, peu importe le budget, par l'État, donc. Il me semble que c'était si ça ne rentrait pas dans le budget, genre. Ouais, c'est un genre de loophole. Ouais, comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il fasse des films mauvais qui étaient pour pas pogner, genre. Ben, ouais. Uwe, en fait, en profite pour gonfler le budget de ses films et engager des acteurs hollywoodiens comme Jason Statham, Michael Madsen, Meatloaf et le lauréat d'un Oscar, d'un Grammy, d'un BAFTA, de deux Golden Globes, Sir Brendan Ben Fraser. Kingsley. OK, Ben Kingsley, oui. Comment les convainc-il? Facile, en leur disant « Venez faire 5 jours de tournage avec moi, faites le même salaire que sur vos projets de 18 semaines. Hein? » Papam, à Vancouver, la magnifique. À Vancouver, la magnifique. Oui, tout le monde aime ça, le Canada. Pas parce qu'il s'en fout, d'ailleurs, parce que non, Uwe est persuadé qu'il fait des bons films. Oui. En 2006, il lance un défi à ses plus grandes critiques sur Internet afin de prouver qu'il est bel et bien un bon réalisateur. Son talent sera déterminé lors d'un match de boxe. Oui, si t'aimes pas ces films, Uwe va te puncher d'en face jusqu'à ce que tu changes d'idée. En effet, ça, je pense qu'il y a un challenge qui a été lancé sur Internet par de ses détracteurs qui étaient tannés. C'est lui qui les a lancés. Il a dit « Come kick my ass ». Oui, il semble que les dommages au cerveau permettent de mieux apprécier ces films, d'ailleurs. Il lance aussi le défi à Quentin Tarantino et Roger Avery. Parce que là, c'est comme deux noms sortis d'un chapeau. Ouais, c'est ça. Il refuse, bien sûr. Ben oui. Uwe sélectionne des critiques, donc, et selon les dires des critiques, leur affirme que ce n'est qu'un stunt de relations publiques pour qu'ils acceptent. Étant un combattant expérimenté, il leur casse la gueule, blessant sévèrement l'un d'eux. Parmi ces déclarations, Uwe affirme que lors de la tournée de promotion du film Postal, être le seul génie de l'industrie du cinéma, crachant sur Michael Bay et Eli Roth. Les faisant ainsi passer pour des êtres sensés et intelligents, Roth affirmera que la remarque de le traitant de retard était le plus beau compliment qu'il ait reçu. tandis que B repousse la remarque du revers de la main, affirmant qu'elle n'a aucune incidence. Afin de prouver son argument, Ball lance un défi à B qui déterminera lequel des deux est le meilleur réalisateur. Son talent sera prouvé lors d'un match de boxe. Oui. Tel un bully dans la cour d'école, cet artiste avec un doctorat en littérature pense que la violence est la solution à tous les problèmes. B refuse le défi, ce qui veut dire que UV est le meilleur, réalisateur. Par défaut. Par défaut. Dans l'Internet, une pétition existe pour demander à UV de prendre sa retraite. Il a déclaré qu'il la prendrait si la pétition atteignait les 1 million de signatures. Ouais. Elle n'a jamais atteint ce nombre, d'ailleurs, stagnant autour des 400 000. Mais UV a aussi lancé l'idée d'une pétition en réponse, le supportant dans son art. Celle-ci atteint presque les 7 000 signatures à ce jour. C'est tout du monde de sa famille puis ses deuxièmes comptes Internet. UV ne peut plus maintenant utiliser le loophole financier de l'Allemagne et doit financer ses films pour vrai. Il s'est donc présenté sur Kickstarter à 3 reprises récemment pour financer, entre autres, la suite de l'excellent Postal. Demandant 500 000 $ il a réussi à amasser un peu moins de 30 000. Sa dernière campagne, celle pour Rampage 3, un film important selon lui... qui doit être fait. Qui va boucler l'histoire qui a été entamée. Avec dans les deux premiers Rampage, n'a réussi à amasser que 6375 $ des 100 000 qu'il demandait. Dégoûté par la situation, il est allé se plaindre sur YouTube, demandant à tous ceux qui n'ont pas donné d'argent d'aller se fourrer eux-mêmes et leur mère. Oui. Ajoutant que nous autres, là, préférons dépenser pour voir des films de piètre qualité qui nous brainwash, pas comme les siens, bien sûr. Hey, oh boy, hein. Il ajoute de façon très noble, et là, c'est une traduction libre. Là. Ben, c'est ça. J'ai juste à pas le faire. Rampage 3 de bord. J'ai assez d'argent pour aller jouer au golf pour le restant de mes jours, anyway. Bam! Bam! Hein, il a pris le high road là-dessus. Hein. Selon d'ailleurs des sources que je sors de mon rectum à l'instant, UV aurait l'intention de réussir à se faire financer par les gens qui n'ont pas voulu l'encourager en les défiant à un match de boxe. Calice. Bonne chance. Ah, oui. Sacré bonhomme. Merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. C'est un beau dossier. Oui, j'ai vu ça sortir cette semaine. Est-ce que tu es familier avec le monsieur? Je pense que je vais m'intéresser au personnage maintenant. Ah ouais, c'est un sacré flyer, là. Lui, il a pas la langue dans sa poche. Non. Non. Bon, ben, ça va bien comme ça. Ben oui. All right, t'es à l'aise de ton bord, Kensico? Oui, parfaitement. Ah, fait signe que oui. Let's go, Nick, on passe au prochain. Bonsoir tout le monde. Salut Andy. Bonsoir Andy. Kensico, Tommy. Ben oui. Comment ça va? Ah, moi je vis des moments pas peu. Ah, cool. Je suis bien entouré, là. Tout est optimal. Moi, mon spaghetti prend un peu de place, là, mais ça va. Bon. Moi, je suis à ma 29e heure debout, fait que je comme... Ben oui, hein, c'est... on te sent à bulle un petit peu. C'est le musée de l'absurde, hein, ça... Envole-toi. Ouais. J'ai décidé cette semaine de faire une nouvelle chronique, puis j'ai décidé d'embarquer le monde un petit peu dans la chronique. Je l'ai appelé le club de lecture. 70% on s'en sac. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un livre et il va être en vente à l'encan. Donc, c'est là votre participation. Vous pouvez vous procurer le livre. Et ceux qui connaissent un petit peu mes chroniques savent très bien que j'ai fait 2 chroniques sur Moment tendre, de Serge Laprade. Où est-ce que je sortais les meilleurs morceaux tendres. du Laprade. C'était très, très tendre. C'est du filet de Laprade. Oui, oui. Cette semaine, j'ai découvert un livre au Musée de l'Absurde, parce que Dieu sait qu'on a des livres qui traînent un peu partout. Ouais, il y en a pas mal. Et le livre que je vous propose dans mon club de lecture 70% est « Apprivoiser la tendresse ». Ah, wow! Ça a l'air collant, là. Sur le coup, j'étais comme pas très certain. J'ai juste comme fait... Hey, t'as vraiment beaucoup trop de signets dans ton livre, là. Sur le coup, je n'étais pas très certain. Puis il y a quelque chose qui m'a accroché parce que je suis un lecteur diagonal. Et, fantastique. Et j'ai remarqué le nombre de tendresse qu'il y avait dans le livre. Je trouvais ça vraiment fascinant. Et j'ai donc pris sur moi de compter manuellement le nombre de tendresse. Et il y avait... Ouais, un petit peu, je me suis senti bizarre. Enfin, j'ai compté 310 tendresse. Et là... Tendresse, le mot tendresse, pas tendrement ou attendri tendresse. Donc 310 tendresse pour 206 pages, ce qui équivaut exactement à 1,5 tendresse par page. Ce que je vais faire, parce que le livre, je suis quand même passé, comme je disais, très diagonalement à l'intérieur, mais Puis j'ai découvert quand même des choses très intéressantes, autant que des choses beaucoup moins intéressantes. Je vais vous parler des choses moins intéressantes parce qu'on est à 70%. La personne qui l'achète pourra ensuite faire son étude. Oui, découvrir le côté bipolaire du livre. Il y a beaucoup de citations. Je commence par le premier qui m'a éclaté d'en face. La violence est souvent plus rapide que l'espoir, mais elle va moins loin. Pensez-y. Je savais pas que ça allait dans la même direction. Surprenamment. Il y a un beau poème que j'ai découvert. Il y a beaucoup de poèmes. Tu sais, Maman entendre de Serge Laprade, j'ai trouvé. Quel mot faut-il dire pour donner de la joie? Tendresse. Je l'ai tué? C'est ça? Quel mot faut-il dire pour donner du bonheur? Faut-il dire amitié? Faut-il dire entente? Faut-il dire liberté aussi? Ou faut-il te prendre la main? Quel mot faut-il dire pour donner de l'amour? Quel mot faut-il dire pour donner de la tendresse? Faut-il dire je t'aime? Faut-il dire toujours? Faut-il dire enfant aussi? Ou faut-il te prendre la main? Enfonce? Enfant. Je tiens à te rappeler que je rentre dans ma 27e heure debout. Quel mot faut-il dire? Quel mot? Et si je ne dis rien, si je me tais, si je te regarde simplement, et si je te souris, alors ma main prendra tout seule la tienne et tu entendras ces mots dans mon silence. Blandine, 19 ans, morte d'un cancer des os. Ah! Hey, tu m'as eu avec la punch. On la salue. Bien haut. Ben oui. D'autres phrases comme ça qui m'ont vraiment accroché, surtout qui sont surlignées parce que ça a appartenu à quelqu'un en 93. On en reparlera plus tard. La tendresse est tout ce qui aurait pu surgir au 8e jour de la création si seulement il avait fait encore un petit effort. Oh! Il! Ah, lève, non. À part si tu veux mourir de tendresse. Mourir de tendresse? Pense-y. Étouffé par l'amour. Ce que j'ai découvert de Jacques Salomé, qui est d'ailleurs... quand même un psychosociologue spécialiste de la communication. Et de la tendresse. Il a écrit tout seul le titre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de citations comme celle-ci. Si tu ne sais que faire de tes mains, transforme-les en tendresse, disait ma grand-mère. Tu peux pas faire ça avec n'importe qui non plus, transformer tes mains. Tu peux faire ça avec toi. Hein? C'est vrai. C'est en ne voulant pas faire de la peine que je fais parfois beaucoup de mal, ma grand-mère. Le pire des solitudes, c'est d'être un mauvais compagnon pour soi-même, ma grand-mère. Encore de la tendresse que tu fais. La grand-mère de l'odeur. C'est vrai. Qui était une... une fervente de la masturbation. Une tendre de la masturbation. Des métaphores de masturbation. Des métaphores de masturbation, pardon. Jacques Salomé, dans sa sagesse et sa tendresse, a écrit beaucoup de choses quand il était jeune et il nous les partage. Et je trouve ça bien. Genre neutre. Là. On a un pH de 7,1 là-dessus. Non, mais à quelque part, il y avait 209 pages à écrire. Oui. Il a quand même comblé avec 310 tendresse, mais il y avait d'autres mots à mettre. Fait que ce qu'il a fait, dans le fond, c'est « Lettre à mon cœur » et je vais donc vous partager la lettre. « Bonjour, mon cœur. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas toujours accordé l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même maltraité, matraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté par, avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, googlez là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, un peu ému, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec ta lassitude, avec tes émerveillements et tes possibles. Je me surprends à t'aimer, mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer, de te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te donner les rires du soleil et de t'introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans l'abondance et le plaisir. Hey, c'est fini bientôt, là, Chris. Il reste encore 5 paragraphes. Le rêve des étoiles, c'est... Mon corps, je te suis fidèle. Oh non, pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps. Que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien de maladies m'as-tu évité? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Bien sûr, il m'arrive parfois de te partager et même de te laisser aimer par d'autres. Par une que je connais et qui t'enlèverait bien si je la laissais faire. Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble et nous crèverons probablement ensemble aussi. J'ai un autre beau petit poème. On va... Non, c'est là, Colis. Le livre est à vendre à l'enquête tantôt, de toute manière. Tu vas pouvoir passer le mal. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ouais. OK. Si vous faites des projets, si vous faites des projets pour un jour, aimez-vous. Si vous faites des projets pour une année semer du blé, si vous faites des projets pour 10 ans planter un arbre, si vous faites des projets pour 100 ans, dédiez-vous à l'éducation des êtres humains. Si vous faites des projets pour plusieurs vies, consacrez-vous à l'amour exclusivement. Et si vous envisagez des projets pour l'éternité, inventez la vie. Proverbe de ma grand-mère inspiré par du chinois. Ah, misère de Chris. Merci, Andy. Ouais. Ah, ça va être en vente à l'encaisse, ça va sûrement partir très haut, ça. Un petit mot sur la tendresse, Kentisco? Fucking hippie. Ouais, hein? 1-0 en assisté. Hey, cool. OK, let's go, Nick, on passe au prochain. Voici la chronique animalière de Jesse Bouchard. Salut, Jesse. Hey, salut. Ben oui. Salut, ouais. Ben oui. Ouais, je suis un peu fatiguée. Mais... Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est... J'aurais pu parler de la nouvelle loi, le projet de loi, non, excusez, projet de loi qui vont passer pour les animaux, mais j'ai une impression de déjà-vu. En 2002, j'ai fait le forum étudiant, puis j'étais ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Andy doit s'en rappeler. Puis j'avais fait une déclaration ministérielle contre les usines à chiots. Bref, peut-être une couple de jours après que le forum étudiant soit fini, dans un gros titre dans le journal du Québec, c'est « Québec veut s'attaquer aux usines à chiots ». Ah, c'était ton idée? Oui, c'est mon idée. Puis ça, c'était en 2002. On est rendu en quelle année? En 2015, c'est toujours pas réglé. Fuck you, man! Je vais le croire quand je vais le voir. Mais c'est pas le sujet de ma chronique. C'est juste une petite crotte sur le cœur que j'avais. Mais c'est quoi une usine à chiots? C'est pas c'est... OK. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une usine à chiots, c'est dans le fond un petit local avec des cages empilées, une par-dessus l'autre, avec la mère, le père, la famille au complet qui se reproduisent continuellement pour avoir des chiens. OK, et... c'est comme la nature, mais dans une pièce. Oui et non. Oui, oui, oui, okay. Tout à fait. Ils mettent du Viagra, que, faut genre. Que je dise oui, souvent, ça a l'air. Hein? Faut que je sois dans le oui, mais... On en reparlera après le show, hein? On en parlera. Bon. OK. Non, oui, en fait, mon sujet de chronique, c'est un autre truc que les humains peuvent avoir via les animaux. C'est on la parle leptose. Encore de maladie, genre? Ouais. OK, cool. Ben là... Alors, ben, j'aime ça parler de maladie. C'est on éducatif. En apprend à plein. Ben oui, non, mais va. C'est vraiment important. Je vais parler de la leptospirose. C'est, dans le fond, une maladie qui est en recrudescence depuis quelques années. La leptospirose, qui vient du mot leptospira enterosa, c'est en fait une bactérie qui peut être divisée en plusieurs cérovores. En fait, il y en a 218 à peu près. Je les ai pas toutes cherchées parce que les noms latins sont assez difficiles à nommer. On va les appeler tendresse. Mais les 4 plus tendresse. Ah, ben oui. Ben oui. Oui, je vais, quand je vais expliquer ça à un client la prochaine fois, je vais tellement... Tendresse. Ça... Oui. Donc, mais il y en a 4 principaux au Québec qu'on va vacciner contre pour les chiens, en fait. C'est le L. canicola, le L. ictero, hémorragia. Le. Tu peux-tu leur dire celle-là? Abandonne. Non. non. La L. gripporifosa. Puis le mon préféré, le L. pomona. Bon, voilà. Parce qu'il est facile, lui. Ben oui, ouais. Ça fait comme poney. Là. C'est le fun. Ouais. C'est une maladie qui peut être retrouvée chez les rats, les souris, écureuils, chiens, bacon. Parfois, le chat. Je t'ai ouvert une porte, là, puis tu l'as même pas pris. Mais bon. Parler plus... de chat, de bacon? OK. l'avenir nous est promis, genre. Bon, merci, Tommy. Merci, Tommy. Ouais, avec plaisir. On aime bien gros le bacon. Chat, ça va être plutôt... ils vont plutôt être des porteurs sains sans avoir de signes cliniques. Donc, c'est une zoonose, comme je disais tantôt. Ça se transmet à l'humain. Surtout via l'urine transdermique, donc tu vas toucher à du pipi de l'animal qui va avoir été contaminé et tu vas l'attraper. C'est aussi simple que ça. T'es-tu en train de me dire qu'il faut que j'aille arrêter d'aller toucher à du pipi, toi, là? Oui, mais attends, j'ai la suite aussi pour toi. Par morsure, par voie transplacentaire et par ingestion de viande infectée et aussi par contact sexuel. Donc, toutes ces affaires-là, faut que j'arrête. Oui, c'est ça. Exactement. La viande infectée. Exactement. Finie. Donc, faut pas de la viande, Bruno. Faut pas de la peau, la viande. Ah. Donc, puis c'est contact direct ou indirect, hein. Donc, c'est quoi les symptômes de ça? Principalement, je te déteste ça parce que c'est mon carton plus tard, mais. Ah, ben si tu dis que t'en parles plus tard. Ben oui, j'en parle plus tard. Ok, go. Ok. Ben en fait, chez les animaux, les symptômes, ça va être principalement des infections, IRA, IAH, mais pour une raison obscure, là, j'ai insuffisance rénale aiguë ou insuffisance hépatique aiguë. Il aussi peut avoir des uvéites, ça, c'est un problème dans les yeux, méningite, avortement, puis ben il y a plusieurs formes, suraiguë, subaiguë ou chronique. Puis la forme suraiguë, ben c'est la mort. C'est pas plus compliqué que ça. Tu et peux voilà. en mourir. 80% des humains qui sont infectés, c'est des hommes. Ils savent pas encore pourquoi, mais moi, je sais c'est pourquoi. Là. C'est parce que c'est sexe faible. Peut-être les humains, parce qu'on aime vraiment ça, patauger dans le pipi aussi. Ça, écoute, aussi, écoute. Tu viens totalement de me donner la raison, comme une preuve. Et pour les humains, ça ressemble surtout à une grippe. Les symptômes vont être vraiment pareils à une grippe. Après, ça va se développer au niveau des reins, du foie, mais comme au début, c'est plus une grippe, ben, le diagnostic est plus difficile à faire. Les médecins sont plutôt stupides, ils ne pensent pas à ça en premier. Prévention, c'est la vaccination. En France, ils vaccinent seulement contre 2 sortes de cérovores, mais nous autres, ici, on est hot au Québec parce qu'on vaccine contre 4 cérovores. Yeah! Donc, fait que là, t'es en train de dire qu'on peut boire du pipi de chien, il n'y a pas de problème. Là. Non, parce que le vaccin, il est pour les chiens seulement. OK. puis, ben, si ton... Mais si mon chien est vacciné, je peux boire son pipi. Écoute, si t'en as envie, mon chien, puis que t'as pas de chien, mon chien est vacciné, il est full equip, là, fait que la prochaine fois qu'il pisse, je te garde un échantillon, non, je non, te l'apporte. Non, non, c'était hypothétique, je pense. La réponse, c'est oui. Ben oui. Bon, parfait, c'est bon. C'est ça. Fait que, ben, bonne soirée, puis... Yo. Merci beaucoup, Jesse. Hey, on vient d'en apprendre là-dessus. Hein. Toi, t'es française, ça veut dire que t'as un chien? Non, mais ça fait une semaine que je suis malade et je commence à me poser des questions parce que c'était ma fête, j'ai pris une brosse et je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ah non, mais t'as pas de problème parce que tu as vu, au Québec, on les vaccine les quatre, toi. Ah, j'ai écouté jusqu'au bout, moi. Allez, let's go, Nick, on passe au prochain. Passe le break du passé avec Laurent Hagla. Bonsoir. Ah, Laurent. Ah, Laurent Hagla, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alors, pour les non-initiés aux traces de break du passé, traces de break du passé recrute posthumement, historiquement posthumement, les rejets de l'histoire, ceux qu'on a oubliés, mais qui nous ont apporté quelque chose. Donc cette semaine, pour cette troisième trace de break, je vous présente Sylvain et Richard Soudé, les frères siamois d'orientation sexuelle inverse. Si vous ne connaissez pas le principe biologique de la siamoiserie qui se produit à l'occasion de la procréation du règne mammifère, il me fera plaisir de vous l'expliquer en détail pour la somme d'une bière. Certains, les mauvaises langues toujours, y verront dans ce phénomène une erreur de la nature. Mais d'autres y verront une révélation de l'humanité telle qu'elle aurait pu être. D'autres encore, bien que plus extrémistes, y voient un potentiel mésestimé presque à considérer la non-siamoiserie anormale. Selon eux, les frères siamois Sylvain et Richard Soudé représentent une humanité possible, voire désirable. Ils sont en général leurs plus grands fans et ils ont généralement obtenu des rapprochements orogénitaux avec l'un d'entre eux ou même les deux par défaut, et ce à maintes reprises. Mais d'abord, laissez-moi vous faire découvrir ce tandem inusité. Sylvain et Richard Soudé sont, depuis leur naissance en 68, attachés l'un à l'autre, par leur épaule et par leurs jambes. Ils ont donc un genre d'épaule commune, mais à trois jambes. Pour les gens curieux et à ce stade encore attentifs, la jambe centrale est contrôlée par Richard, celui à droite si on les regarde de dos. En fait, autre fait descriptif, ils possèdent chacun leur estomac et leur cœur propre, bien à eux, indépendant de l'autre frère éternellement adjacent. Aussi, et point de mesure quand même, un petit bras repoussant tout frêle avait réussi tout de même à pousser au centre, où normalement il n'y aurait pas eu de soudure freak. Tout porte à croire que Mère Nature aussi semble avoir eu son épisode réglementaire d'excès de buvard. Donc, ce bras plutôt dégueulasse et obscène a comme terminaison une petite main qui rappelle une pince de homard, mais plate. Fait important, cette immonde retaille de membres supérieurs est à 100% contrôlée par Richard, le gars à gauche, lorsqu'on les regarde de face. Bon, je sais bien la question que j'entends se poser sur toutes les lèvres sans oser en ce moment, mais Laurent, ont-ils un anus commun? Eh bien, au grand désarroi de plusieurs, j'en suis certain, non. Ils possèdent chacun leur anus bien à eux. Et là où ça se corse dramatiquement, c'est que, ici j'ai besoin de votre attention la plus attentive, ces dits anus sont physiquement placés entre les fesses de l'autre. Phénomène unique aux frères Soudé depuis que l'homme est homme. Comment ne pas développer un sentiment de proximité lorsqu'il faille, en pleine nuit, s'asseoir pour que l'autre chie et, de surcroît, forcer la chose? Pour récapituler, pour les plus lents d'entre vous, deux frères siamois, accrochés par l'épaule, trois jambes, dont la jambe du centre contrôlée par Richard, celui qui ressemble à Freddie Mercury, un petit bralette au centre, aussi contrôlé par Richard, puis, c'est là où ça se complique, l'extrémité du tuyau digestif, respectivement, plantée entre les deux fesses de l'autre frère à côté. Il est aisé de s'imaginer que ces deux goguenards, doublés de leur implacable complicité, vissés par la chair, les a déjà amenés à faire des blagues sordides comme avaler une quantité abusive de laxatifs juste pour emmerder l'autre. Et bien sûr, d'autres anecdotes que je tairai ici, ce soir, pour la santé mentale de vos rêves futurs. Mais ce petit problème de rectum opposé n'en était plus vraiment un pour nos attachés de frères. Oh non! De bien plus grands soucis ont vu le jour avec les années. Surtout autour de l'âge ingrat, où spontanément, Richard a commencé à exprimer une sexualité penchée vers le même sexe que le sien. J'ai nommé l'homosexualité. Conflit! Un conflit notable est né entre deux de nos deux inséparables lors d'un événement fâcheux lorsqu'ils étaient âgés d'à peine 22 ans. L'anecdote s'est déroulée dans une fête glauque où Richard, celui penché vers le phallus et surtout celui qui servait tyranniquement de locomotion étant donné son emprise sur la jambe centrale, donc, en ce pédé endroit, un grand et bel homme se mit à discourir à haute voix, un bâton de taille respectable à la main. « Vous le voyez, ce manche que je tiens, j'en suis sûr, il n'est à personne ici présent. Personne n'a le courage, j'en suis certain. À qui il est à personne, je le savais. » Et c'est là que Richard, le frère opérateur du bras qui fait peur, dit tout haut, « Si, à moi !» C'est là qu'on rit. « Si, à moi. Ouais. » Merci. J'ai pas fini. Et il n'en fallut pas plus pour faire de cette émasculinée soirée un succès visuel authentiquement mémorable. Avec ce détail de taille que le bâton fut, sans sensualité ni délicatesse aucune, inséré dans l'anus correspondant verticalement à la tête désireuse, cette gueule de Richard qui nous faisait fredonner We Are the Champions à le regarder. Mais donc, c'est-à-dire, au final, l'anus de Sylvain. Celui à droite quand on les regarde de face, mais surtout celui qui a la tête à gauche quand les hommes présents fixaient le cul à droite de dos, comme un spectacle porno improvisé. Vous aurez compris la perplexité réactionnelle de l'introducteur, sans parler du chagrin mutuel de nos indécollables héros pour des raisons différentes, il va sans dire. Depuis, et malgré les mots de consolation de Richard, une sorte de haine malsaine habite Sylvain. Grand amateur frustré de corps féminin, plus les années ont fait vieillir nos siamois infâchables, et plus le penchant gay du couple s'est montré sans pitié. Par exemple, Richard prit pour habitude d'emprisonner fermement le bras de Sylvain derrière le dos avec son bras normal et a profité par des attouchements intimes de son infortuné collègue de corps, avec le maigrichon bras infect, muni d'une terminaison assez habile pour accomplir la sale besogne. Prenez ici conscience du dilemme qui habitait Sylvain. Quel serait l'intérêt de porter plainte pour viol sur son frère siamois? Ce serait débile d'aller subir les mêmes méfaits en prison. C'est pour cette raison, de loin, que Sylvain, oui, le plus sage des deux, de loin, le plus... il décida de s'exprimer in extremis en chanson pour que le monde entende le récit de sa vie. Il a écrit un véritable hit pour ses copains du Sud qui partaient un groupe au sourire infatigable. J'avais oublié de vous mentionner que Richard et Sylvain étaient noirs. Musique. Ce soir, on danse. Mets tes mains sur mes hanches. On va faire connaissance. Viens tenter ta chance. En suivant la cadence, c'est si bon quand on danse. La chaleur de la nuit me donne envie. Tout près de toi, c'est une question d'énergie. Un problème de contact. Pour que le courant passe, faut que l'épaule se touche. Et je vous donne la chanson finale qui a fait le tour du monde. Merci Laurent. Hey, Laurent Aglant, tout le monde. Quelle aventure. Moi, j'ai un problème avec la compagnie créole parce que ma mère, elle me l'a comme gavé quand j'étais petit et maintenant, ça me rend violent. Des fois, je fais des rêves. J'ai déjà rêvé que j'étais dans une maternelle avec une machette et qu'il y avait le carnaval. Là, je suis plus capable. Une femme? La compagnie créole. Ouais, ouais, ouais. Totalement, ouais. T'es pas obligé de dire ça. Non, par contre, la Genève. T'as-tu un de leurs albums ou juste un greatest hits? Non, mais je vais courir chez mon disquaire le plus proche après ça, mais je viens d'avoir une succession d'images mentales là. Je vais m'intéresser de plus près à tout ça. Ah aussi. Oui, l'oreille est bon pour ça. En fait, là, on est rendu à la moitié du spectacle, ce qui fait qu'on va aller prendre une petite pause, se dégourdir les jambes. Je suis en connais qui vont fumer des excellentes cigarettes. Mais dans à peu près 5 minutes, on se retrouve ici. On va continuer. On a 3 chroniqueurs. Ensuite, c'est toi qui joues de la musique. Super. Il fumait la compagnie créole aussi. Oh non, pas là. Merci. On revient dans pas long. And you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel, and love to me is so unreal. And so as you hear these words tell, And put on a little makeup. Hide the scars and fade away that shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Why did you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Je ne pensais pas vous trust dans mon self-righteous suicide. Je cry when angels deserve to father, father, fucker, fucker, father into your hands. I commend my spirit, father into your hands. Why have you forsaken me? Why have you forsaken me? I don't think you trust. Die, ladies and gentlemen. Lounge Against the Machine for 600. It's an audio clue. You show us everything you got. You keep them dancing in the room, gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. Say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. Party every day, I wanna rock and roll all night. And party every day. You keep saying you'll be mine for a while. You're looking fancy and I like your style. You drive us wild, we'll drive you crazy. And you show us everything you got. And baby, baby, that's quite a lot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. I wanna rock and roll all night. Ça en fait Rock and Roll All Night, c'est le plus la toune qui a pogné, qui a monté le plus haut dans les charts pour Kiss. Kiss, voilà. Il était monté numéro 4 pendant quelques semaines, je pense. Il n'y a comme pas vraiment de gros hits, mais ils ont fait un excellent film qui va sauver le parc des fantômes et qui s'en va dans l'espace et tout. Là. Ça, c'est bon. Il faudrait qu'on le mette, ça, à un moment donné. Je pense à ça. Kiss Against the Phantom of the Park. Kiss qui ressemble à Scooby-Doo, oui. C'est le cas de le dire. Donc, voilà, c'était la fin de notre petite pause. Merci beaucoup à Nick et merci surtout à Chinook. Chinook qui est le danseur radiophonique le plus hot de la planète présentement à ce moment-ci. Notre invité vient nous rejoindre, Kensico, très content de t'avoir avec nous. Sinon, il nous reste trois chroniqueurs, j'ai hâte de voir lequel Nick va choisir pour recommencer. Attends un petit peu, Nick, comment tu vis ça à date? Ben, j'apprends plein de choses. Oui, hein? Je découvre plein de choses. Non, c'est très enrichissant. OK. Elle dit qu'on est enrichissant. Ah, pourtant, moi, à toutes les trois phrases, on parle quand même de caca. mais c'est correct. Ça me parle énormément. Ben. je fais que parler de ça dans mes chroniques, moi, de la marne. Bon, ben, ouais. Let's go, Nick, on part. Mesdames et messieurs, vous écoutez Super Plus sur DTD. Ouf! Quelle course! Ouf! Ouf! T'as l'air d'un musicien de Devo. Non, je n'ai pas gagné la course, mais j'espère faire mieux la prochaine fois. J'avais posé mon casque. Comme vous voyez, j'ai l'air d'un gars qui ramasse les poubelles. Mais non, en fait, je suis pilote de course semi-professionnel. Et c'est pourquoi j'ai mon plus petit cahier du monde. Je n'en ai pas trouvé de plus petit. Donc, je suis pilote de course automobile semi-professionnel. En fait, je chauffe des Formule 3000. Question casque, je ne l'ai pas, c'est pourquoi j'ai pris un bucket. Nous, les pilotes, la sécurité, c'est important. Et c'est pourquoi ma F3000 ressemble à un condom du futur. Il y en a peut-être qui disent que le Grand Prix de Montréal, c'est pour les blancs de la classe moyenne qui savent pas quoi faire avec leur argent. Mais c'est pas vrai. Le Grand Prix, c'est un événement sportif de haut niveau pour toute la famille. Par exemple, grâce au pouvoir de la simulation et de la haute technologie, il sera désormais possible de faire vivre l'expérience de la Formule 1 aux bébés de 1 an comme s'ils y étaient. En installant un siège de bébé sur un simulateur de réalité virtuelle ayant servi à l'entraînement de tous les pilotes du circuit. Pour ceux qui disent que la Formule 1 n'est pas un sport, sachez que selon les experts en conditionnement physique de l'Association du pneu international, conduire une Formule 1 représente, en termes d'efforts athlétiques, la même chose que faire des push-ups dans un spa de champagne avec 3 escortes. Donc, à propos de l'imagerie sexiste et machiste que l'on associe souvent à la Formule 1, à des pratiques occultes telles que la danse pas de brassière et le service d'hôtellerie de nettoyage à sec, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est pas parce que les gens méchants comprennent pas que le Grand Prix est un événement glamour qui attire beaucoup de vedettes très très riches et très distinguées comme Ice-T, Michael Douglas et Wesley Snipes. Et c'est pourquoi tous les mâles entre 20 et 60 ans et plus qui fréquentent la rue Cresson durant les festivités du Grand Prix veulent leur ressembler. Finalement, pour contrer les détracteurs qui disent que le Grand Prix de Montréal représente une pollution visuelle, auditive et environnementale, je finirai avec un sophisme en disant qu'il a été très polluant d'aller sur la Lune. Et qu'il est très polluant d'aller au travail chaque matin. C'est pourquoi cette société basée sur le pétrole et l'huile à bras de moteur ne saurait se passer d'un événement qui rapporte le PIB d'une multinationale en une fin de semaine. J'espère malgré tout que les amoureux de la vie vont aimer la course, vont aimer l'asphalte et vivent le Grand Prix. Ouh. Gros statement politique ici, Damien qui est... Merci Damien, très plaisant de... moi, pendant le Grand Prix cette année, je suis allé dans le canton de l'Est, j'ai fait du 4 roues. Ah, c'est pas pire. Ouais. Tu t'es fait ton propre Grand Prix. Ouais, exactement. C'est quoi, c'est Andy qui disait, je pense, que la moyenne de cup size sur l'île monte genre de B à C pendant la fin de semaine du Grand Prix. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai trouvé pas mal rusé. Sacré Grand Prix. Y en a-tu qui sont fans de ça ici, genre? Ouais, hein? Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Carmen. Hein. En tout cas, il paraît en plus qu'il gonfle les retombées. Puis que c'est même pas vrai que ça fait 80 millions, ça fait autour de 30. Ouais, ben, on se fait mentir! Mais est-ce que tu comptes l'argent que les travailleuses du sexe font, par exemple? Là-dedans? Non, ça, je... C'est, ça. Ouais. C'est voilà. Pas négligeable. Et voilà, ouais, ça doit... En tout cas, on souhaite à tout le monde un bon Grand Prix, parce que nous autres, on a appelé jusqu'à dans 364 jours, quelque chose de même. Là. À peu près, ouais. À peu près. Bon, ben, on lâche pas. Fan de Grand Prix, toi? On en a parlé tantôt. Des danseuses, non. Ah, c'est bon. Let's go, Nick, on part au prochain. Que l'on passe du premier. du tigre. Tellement. Salut, Eric. Salut, le grain. Ben oui. Oh, Chinook, est-ce qu'il a besoin d'attention, cette crise de grain sans dessin-là? Esti. Salut, la gang de graines. Salut, les poules. Allô? Allô? Hein? Hey, esti, parlant de poules, moi, j'aime ça en esti de Grand Prix, man. Ça fait ressortir les poules. Puis moi, je suis content. Et voilà, ouais. C'est dit. Parlant de poules, bonjour, mademoiselle. Enchantée. Belle poulette. il est content. Oh, ben, salut la gang. Hein? Il y a bien du monde à soir aussi. Hey, on a deux Gerda dans l'équipe. Oui. Chris, hein? Ça, c'est hot, le grand. Ben, je voulais t'impressionner. C'est littéralement hot. Et voilà. Moi, je trippe. Bon. Là, moi, c'est mon remplaçant, il m'a demandé de venir pour une couple de semaines. Là, il m'a imposé ça, là, le tabarnak. Fait que là, moi, tu sais, les dernières semaines, les dernières chroniques, je suis venu parler de marde. Oui, là, oui. Là, ça me tentait pas de vous faire chier plus avec ça. Merci. Ça comprends-tu le grain? Oui. Là, ça n'était pas trop tard. Il n'y avait pas beaucoup de métaphores, là. Allons donc, hein. Je sais à quel public je m'adresse. Bon. Puis là, là, j'ai décidé, esti, que j'allais faire chier mon remplaçant, Jean-Sébastien. Au lieu de... Parce que là, lui, il m'a dit, « Hey, Eric, peux-tu venir faire des chroniques? T'es super chronique. » Là, moi, je chantais le sarcasme un peu dans sa super chronique. Là, il dit, « Ah, ouais, parce que j'ai plus beaucoup de chroniques de wow, de correspondance, puis tout ça. » Ben, moi, j'en ai joué une tabarnak. J'étais allé voler ses magazines, esti, pour me venir faire à sa place. Je mange la merde de Steve Jean-Sébastien Godette. Ben oui, Chris. Sûrement. Fait que là, c'est ça, j'en ai amené une couple, là. Tu sais, je les ferai pas toutes parce que je suis quand même un Chris de bon gars. Là. Oui, ben ouais, on n'a pas le temps, non. Ouais, allons ça, donc, on c'est qui tout de ça, là. Il hein? Y a quelques... Bon, ben, ça commence avec une fille qui commence avec « Salut Patrice Desault, on présume des hôtels ou quelque chose, en tout cas, de Saint-Basile. » Ça fait deux étés super que l'on passe ensemble et j'espère bien te revoir encore. Même si maintenant on est un peu brouillé, tu resteras toujours mon meilleur ami. Je pense que c'est ça le problème, moi. Elle veut être son amie. Ouais. Là, si tu te reconnais ou si quelqu'un le reconnaît, dites-lui de m'écrire Annie Pété. Triple X. Et bateau. Non, hein? C'est pas un pété comme on l'entend d'habitude. Ah, c'est son vrai nom. C'est ça. Annie P. Point T. Point. Bon. Ouais, je pense pas, moi. Non, moi. Je pense que c'est pour faire gamic, puis que c'est comme le nouveau réseau, le NRJ, là, que ça fait NRJ. Ouais. Oh. C'est pas mal que... nouveau, ça. Hein? Ouais, c'est ouais. Si j'en reviens pas encore. Je pense qu'elle aura pas de nouvelles de ce gars-là. Ouais, c'est ça. En fait, il est en train de nous lire, parce ouais, que ouais. Dans les revues des années 80, il y avait des correspondances, les zones de correspondance, et lui, il a collectionné ça parce qu'il est creep. Pas moi, si, l'autre, la crise d'affiche, ouais, c'est Godette. Ça, je parle de l'autre. Et là, c'est ça, il nous amène ces articles-là. Donc, c'est comme les sextos de 1980. Ouais. Sextos préhistoriques puis des spotted. Ouais. Bon, on continue avec un autre spotted. Nous recherchons désespérément les deux beaux gars, LL et PC, que nous avons rencontrés à l'été 84. Crise de conne. Si vous vous reconnaissez, vous savez où nous trouver. Martine C. et Diane C., les deux sœurs cochonnes. Moi, je me dis, si ça les intéressait de les voir, là, puis qu'ils savent où les trouver, là. Ouais. Si ça, est-ce que le spotted sert à rien? Ouais. OK, c'est bon. Je pense que c'est ça. Deux nounounes. C'était compliqué dans ce temps-là. Ben un autre spotted. Un beau bonjour à Franco Gauthier de la part de deux filles qui te trouvent bien « cute » entre parenthèses. C'est pas très gentil, ça, là. Bien « smat » entre parenthèses. Tu viens-tu cette expression-là, « smat » Ouais. Ça veut dire quoi, tu penses, « smat » Ça veut dire qu'il est pas beau. Non, ça veut dire qu'il est supposé être gentil, mais « smat », c'est supposé être intelligent. C'est un anglicisme, calice. Ah, OK, dans ce sens-là. Un anglicisme. Oui, c'est vrai. Un anglicisme. Un anglicisme. Fait que, mais un peu... c'est ça, on trouve bien cute, bien « smat », mais un peu gêné, trois points. PS, on t'aime bien pareil et on aimerait pourvoir rester tes amis encore pour longtemps. Ah ben, on lui souhaite. Une autre gang d'amis. Ouais. Je pense que lui non plus. Puis il a noté le pourvoir. Ouais, ça c'était pour pourvoir. Ouais, pour ouais. Pourvoir, ouais. De Marjolaine et Jacintre. Jacintre. Triple X. Ensuite, toi, oui, c'est ça. C'est avec toi que je veux correspondre. Envoie-moi de tes nouvelles aujourd'hui même. Je suis une fille sportive et qui aime les sorties et beaucoup d'autres choses. Ah, ça, on dirait une description de Tinder, ça. Hein? C'est très spécifique. Ouais. Moi, j'aime ça de même. Pas besoin de me casser j'aime la tête. J'aime les choses, le fun et manger. C'est ça. Et je respire de temps manger en temps. Manger la bonne nourriture. Oui. Ouais. Et ensuite, elle dit, « Je suis assez capotée! » Capotée! Yeah! Une capotée! Photo appréciée et réponse assurée. Julie de Lassard. Oh, l'Abitibi. Ah, je sais pas. Non, Lassard. Sûrement cochonne, hein? Oh. Réponse assurée, elle niaise pas, là. Et voilà. Allons donc. Ouais. La prochaine, c'est « Pauvre Nancy, tu n'as pas eu le gars de tes rêves, mais t'en fais pas. Tu as juste à écouter « Everything in my heart » de Corey. Corey Hart. Ça fait pareil. Bye, Boutchou, Triple X. » C'est son ami qui dit « Console-toi avec Corey Hart. » Un mode d'emploi pour Corey Hart. Ben ouais, ça a l'air que si t'as pas le gars de tes rêves, si t'écoutes du Corey Hart, ça va passer. Moi, j'ai un petit espoir que c'est l'homme de ses rêves qui a écrit ça, en fait. Ouais. Non, c'est son ami, je pense. C'est Boutchou. tu penses qu'un gars s'appellerait Boutchou? À moins qu'il s'appelle Bouchard, je sais pas. Ah, hein? Peut-être. Si. Ça se perd des paris aussi. Là. Et maintenant, la dernière. « Bonjour, je suis une jeune fille de 17 ans. » On parle de jeunes qui parlent entre 13 et 15 ans en général. Jeune fille de 17 ans, allons donc. Hein? Chris. MILF. D'aplomb, le grec. D'aplomb aussi. Je joue du saxophone et j'adore danser. Mes groupes préférés sont Mary Lyon, Pink Floyd et Eloy. Toi, t'aimes ça, Mary Lyon, hein? Marillion. Ah, c'est ça. Oui, je connais pas ça. C'est groupe de marde, c'est fuck off. Le vieux, là, avant le nouveau chanteur. Si tu le dis, le grand. C'est la seule fois de la vie qu'on peut dire ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, du coup. Oui, oui. Elle continue avec « Je suis assez sportive et je fais du ski alpin. » Parce que c'est deux choses. « J'aimerais correspondre avec un jeune homme de 17 ans ou plus. » Décide-toi, là. Un jeune homme de 17 ans ou plus. Le gars a 35 ans, il est plus si jeune homme que ça, Chris. Ouais. Chris de folle. Après ça, elle dit... « Je suis une fille précieuse. » Ouh! « Et on me dit assez sautée. » Sautée! « Une photo serait bien appréciée. » Dominique Villeneuve de East Angus. Ça apprécie ça. Ah, East Angus? Ouais. Quand on laisse, où, ça. Ah oui, hein? Il y a du monde qui font du 4 roues là-bas. Hein? Ah. Hey, Chris, hein? Ah, le 4 roues, moi j'aime ça. C'est le festival du 3 roues, t'as-tu déjà été là, le grand? Non. Ça n'existe plus, ça, le festival du 3 roues. Non, non, aussi, c'est une ancienne chronique. C'est illégal, c'était trop mortel. Ouais. Bon, ouais, ça là, gang de cave, moi j'aime mieux affaire faire Esti qui continue à vous bon, parler. Bon, on va t'asseoir, Eric. Merci, allez, Eric Carmel. Fuck you, Esti Chinook. Merci, merci. C'est notre deuxième plus vulgaire, en plus. C'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire. Je sais pas s'il y a une compétition non-dite entre eux autres. Là. Bon, ben, on est rendu au dernier. Tu vas voir, il est plus politique. À soir, Mathieu, tu nous parles de quoi? Je sais pas. Il sait pas encore. Let's go, Nick. Parle le prochain. Yo, hein? Un autre, je commence à être tanné. Allô, la gang! Hey, salut, Mathieu! Je tiens à te le dire. C'est n'importe quoi ce soir. J'ai envie de te parler à cœur ouvert, me mettre à nu devant toi, les tripes sur la table, comme on dit. Hein? Mais je le ferai pas. C'est parce que j'ai lu quelque part qu'il y a possibilité de se vider de son sang. Et non, j'ai besoin de mon sang. Je veux garder mon sang froid. Hein? Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. c'est comme ça. Ah! Et de toute façon, mon père, il disait, la parole est d'argent et le silence est d'or. Il disait ça, mon père, ouais. Une phrase pleine de sagesse. Ouais, quand même. Hein, il ne faisait pas juste tuer des gens, mais aussi. C'est vrai, des fois, fermer sa gueule, c'est la chose à faire. Sauf pour moi, hein, c'est comme ça. C'est le propre des grands gueules, ce que je suis, Tommy. Sinon, à quoi serviraient les poursuites pour diffamation? Je te le demande. Voilà. Je me suis promis de chialer, titiller le tympan atrophié de cette masse d'individualistes qui me servent d'exemple. Je parle de déclarer la guerre aux cons. Yes. Il dit, hey boy, non, je sais, c'est une entreprise. Ah ouais, hein? C'est gros, ça. Non, non, mais allez-y toutes de vos commentaires. On est 70, là. Non, mais parce qu'au Québec, à moins que je me trompe, on peut encore dire à quelqu'un que ce qu'il dit, c'est cave en esti. À moins que je me trompe. Hein? Là, c'est là qu'il faut que tu répondes. Ben, à moins que tu te trompes, je sais pas. À moins, je me... Ben, je sais pas. En tout cas... Attends, ouais, mais... Ça, c'est un sujet en or, Marie-Chantal Toupin, je tiens à te le dire. Non, mais quand t'entends le gars à côté de la Formule 1 gueuler que le char vaut plus cher que la fille... Oui, on l'a vu sur les... Tu oui. t'en rappelles-tu de ça? C'est cave en esti, hein? Oui. C'est cave en esti de dire ça, mais c'est un peu vrai. Ça se pense mieux que ça se dit, genre. Ben, c'est ça, tu sais, ça vaut un peu plus qu'un million de dollars, un char de même, hein? Combien coûte une jeune étudiante seins nus en frais administratifs, hein, que ce soit à l'université, le poste de police, la cour, la prison, monsieur le juge? Il est clair que nous perdons de l'argent. Je suggère la pendaison. Non, c'est cave en esti. Puis j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de dire ces affaires-là. Les policiers sont cave en esti. Sont cave en esti d'accepter de servir l'intérêt plutôt que la paix. C'est cave, ça. C'est vraiment cave. Ouais, moi, c'est cave. Hein, disons-le. Les politiciens sont cave en esti de se laisser acheter par les plus riches qu'eux autres, hein, dans l'espoir de faire partie de la gang. Hein, c'est cave en esti, ça. Puis les banquiers, les tabarnaks qui nous font depuis que le monde est monde, hein, c'est vital pour l'espèce que ça décalisse, disons-le, hein? Sérieux, m'a-t-elle dit, je me crisse de ta couleur et encore plus de ce que tu te mets dans le cul quand tu es seul chez toi, OK? Ou en couple ou en duo avec la personne que tu veux, je m'en calisse, OK? Tu peux bien chier bleu puis vendre ça 45 000 piastres. Tu peux te crosser dans un parc. Le Joel Gate encore. Le Joel Gate. Non, c'est tout tiède. Son... Sérieux, Joel, le genre, c'est tiède. Ouais. Mais quand même, qui animera le prochain Téléthon? En tout cas, c'est c'est parce que... Tommy, mon père, il disait, tu le sais. Hein? Mon père, il disait, ton grand-père reviendra pas sur la terre avec ça. Et il avait raison. Hein? Ce qu'il voulait dire, c'est ce qui est, est. Hein? Tu sais, faut pas se barder avec des problèmes comme ça, c'est comme ça. Hein? T'as une certaine couleur de peau, ne faisons pas de plat avec ça. Hein? Tu sais, c'est comme ça que lui, il pensait. Et il est mort, mon grand-père, aussi. T'sais? Donc, tu t'en fais pas avec ces problèmes-là, tu passes à autre chose. T'as des souvenirs avec lui, puis c'est bien comme ça. T'sais, tu vas vers le futur. En fait, c'est ce qu'il voulait dire, mon père. Papa, je pense qu'au début, je t'avais demandé de m'aider avec ma maquette de la rue Crescente. Là, le monsieur du dépanneur, il comprend pas ton histoire. Puis regarde, il appelle la police. Non, mais je le sais que cette fois-là, j'ai pas pu fermer ma gueule. Hein? Ça veut pas dire que de temps en temps, je peux me taire. Hein? Je peux. Je suis capable de faire ça. Il y a des situations dans la vie où tu dois rien dire. Un exemple, comme ça, t'animes un karaoké. Il y a un dude. Un dude, il trouve que c'est long avant que tu passes sa toune. Mais il ne vient pas te le dire. Hein? Il utilise la technique de l'ovni. Là, il te lance l'objet le plus proche. Et t'as pas le temps de l'identifier, là, ça passe en crise. En l'occurrence, dans ce cas-là, une bouteille d'eau à moitié pleine, de toutes ses hosties de force. Tu sais, il se donne un swing avec son pied, là, tu sais. Sa motion, puis tout. Il est parti, là, tu sais. Rah! Avec un plus 3 d'émotion. Voilà, tu sais, avec une rage de, tu sais, je l'ai pas faite ma ligne, tu sais. Et tout ça, là, dans un élan fou à moins de 5 mètres d'où je me trouve. Laisse-moi dire que le message passe. Non, mais, ouais, c'était suivi d'un « T'en passes-tu, ma crise de toune? » Qu'est-ce que tu fais, Tommy? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais rien du tout, tu te rassois puis tu continues à faire chanter le monde avec la liste de chansons dans la position la plus honnête qu'un karaoïste. Oh, on a-tu inventé un mot? J'ai fouillé, je l'ai inventé. Karaokiste? Je suis vraiment fier. Karaoïste? Karaoïste. Okay. Mmh. Un i tréma. Ouais, bah. C'est beau. Ça fait bien Bring ça. Bring it fait. Back. Alors, la liste de chansons la plus honnête que tu peux faire quand tu es karaoïste, c'est l'ordre d'arrivée des demandes. Toi, tu l'as en maudit. Il y a des petites étincelles, c'est le fun. Je le sais que c'est plate hein, pour ceux qui arrivent et qui ont une heure d'attente, mais tout bon opérateur de logiciel de lecture de karaoké vous le dira. Oui, Jesse, c'est ça. C'est ça qu'on fait. On n'est pas de... Tu stations en avant de ton ordi, puis tu fais la même affaire que tu fais chez vous. Malheureusement. On vous le dira tous, il devient beaucoup plus facile de changer une playlist pour 5$. Mais non, c'est une blague. Et puis, je pense que tu as des prix qui sont pas mal avantageux par rapport au système. Là, ah oui, absolument. D'habitude, c'est 8$. Moi, je le fais à 5. Je commence dans le domaine. C'est une blague. Calmons-nous. C'est plus facile avec la communication. C'est ça que je veux dire. C'est que tu... tu fais rien avec ça parce que il y a le boss puis le gérant qui sont en train de lui communiquer la sortie de toute façon à la personne. Donc toi, t'es là pour animer les gens. De toute façon, je me voyais mal sortir puis vouloir me battre avec un dude qui clairement me pétait la gueule. Parce que oui, moi, au combat... Non, c'est ça, c'est pas la tête, t'es au combat... tu sais, moi, je suis poids-plume et même à ça, il faut faire attention que les plumes soient pas mouillées. Mon move, tu sais, quand ton move spécial, c'est genre te pencher en fait quand que t'en as eu assez, tu sais. Je fais ça de même. Non, c'est beau. Puis, quand tu fais ça dans un jeu vidéo, tu sais, dans un jeu vidéo, tu fais ce move-là avant que le gars te frappe, tu sais, dans le chum, tu ris, c'est le fun. Tu sais, mais dans la réalité, ça. Ça fait mal. Ça surprend l'autre, ouais. Tu sais, ça surprend l'autre. Il est là, je n'ai pas tapé dessus encore. Puis c'est comme une forme de protection. En fait, ça marche assez bien. ça surprend. Comme une bouteille d'eau à 3 pouces de la face. D'ailleurs, j'ai gardé le papier du gars. Tout le monde veut savoir ça. C'était Separate Ways de Journey. Ah, il a séparé les voix, ça, c'est sûr. Et c'est un certain Tony. Donc, Tony, moi, je ne savais pas que tu étais la vedette de la place. Je ne savais pas que j'avais affaire à Lady Baba. Sinon, j'aurais vraiment fait attention à ce que ton cul soit shiné en tabarnak. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Mais je suis bon joueur, je te dirais juste, va chier. Mais tu peux revenir au karaoké, ça va me faire plaisir de venir te voir puis te dire, sérieux, dude, dans la vie, ça se fait pas ça. Mais je sais que ça, c'est utopique de penser que ça va changer sa vie. Parce que clairement, clairement, quand il est parti, il avait pas l'air comme à vouloir comme revenir me parler. Ouais, ou, ouais, ouais. Non, il chantait Journey dans sa tête déjà. Mm. Puis, c'est ça. Sinon, spéciale dédicace à la fille, la fille qui m'a dit que j'étais le pire DJ de karaoké qu'elle avait vu dans sa vie. Je suis d'accord avec elle. C'est ça. Fait que j'ai, en terminant, je voudrais souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Moi, la semaine prochaine, je suis pas là. Je le dis comme ça. Je serai pas là. Ben c'est peut-être pour le mieux. C'est pour le mieux. Je vais aller voir Alexandre Poulain au Francofolie. Puis c'est le gars qui passe à la radio beaucoup. Moi, je trouve ça bien, bien bon. Puis si toi, t'aimes pas ça, ben, m'en calisse. Moi, je vais y aller. Ça va être super le fun. C'est qui la personne qui a pas compris que c'était une performance rhétorique, là? Ben, je pense qu'il est temps qu'elle allume un peu. Ouais, ça fait 3 ans que je fais ça. Quand t'es seul qui parle, t'sais. Voilà. Alors, t'es pas obligé de te souvenir de mon nom et j'en ai déjà trop dit. Salut. Hey, salut Mathieu. Merci Mathieu. Ah, sabristi. Ah, on est allé partout, hein, la maquette de la rue Crescent, toutes les aventures, c'est ça, sabristi Mathieu. Ah, ça nous amène en fait au moment où, Kentico, je t'invite à aller rejoindre ton ami Darren pour nous chanter 5 chansons, j'ai entendu dire quand même. Ça devrait être un sacré beau spectacle gratuit qu'on vous offre ici au Brouhaha. Merci à toi d'avoir participé à l'émission. On va se reparler de là-bas. Pendant que tu te lèves et tu vas te préparer, je prends quelques instants pour remercier Bruno, Élise, Nick, il y a Damien, Jesse, Andy, Éric Carmen et bien entendu Mathieu Boudreau. Donnez-nous quelques instants et puis ça va être des tonnes live. Another life filled with sorrows. To dedicate the film of the crescent, the rain on the wind spreading in on my way to the land of cars, stars and chaotic. I don't wanna go away. I don't want to go away. The sun and dust in the air for days. It's lingering haze, it's blinding haze. That's jumping away, that's falling away. Don't follow me, don't follow me. And dust in the air for days. It's lingering eyes, it's blinding haze. It's jumping away, it's falling away. Don't follow me, don't follow me. Sun, days, sun, days, sun, rays. Ways back, one I had never felt before. I get to run with the taste of freedom I had never reached before. Sun rays and raindrops to shelter my peace of mind, wrapped in the wings of a crowd. Just spinning around makes my mind go blind. Not enough to stop staring. Never enough to stop staring at the night that I blow. At the night that I blow. Merci. A gem among some dirty stones is shining like the brightest stars, eclipsing my old scars, my love that never was. That never was. A white chalk line on a blackboard, an evidence of the crime your heart committed on mine, my love that never was. That never was. I'm trying my best to move on, but my bus sinks into quicksand. Even though you've been gone mm-hmm. take a look to stray, smiling at me. Are they laughing at me when the late walk on Echo Park Avenue? Invisible or bright, or a painted blue. Streets out here, my bleeding heart just cried its last tear in the night, but wishing you knew we will be fine, you know it's always been clear for us to find a way, get our heart. Eucalyptus tree, sweet sound and beauty, feeding the poetry as we dance, just like sycamore seeds, filled with gray sun, spinning in the breeze. Eucalyptus tree, my companions while I'm singing to the stars. And I know, where do we go from here? My lonely soul waiting in silence for us to finally get together on the same side of the fence. Merci beaucoup. On va faire une chanson qui s'appelle White Sage, qui est la chanson éponyme d'un album, donc de Kentico. S'appelle donc White Sage. Je suis ravie d'être ici. L'album est sorti fin janvier et on le tourne en ce moment. Et je serai au Festival d'été de Québec le 13 juillet, place Duville. Si vous êtes par là, venez faire coucou. On sera en full band. I'm dancing in circles, everybody thinks I'm done. My life is a circle in which I'm abandoned. I lost my love. My own grave. Merci beaucoup. On va faire, avant de se quitter, on va vous faire une dernière chanson qui est toujours extraite de cet album, qui a été écrite en majorité et enregistrée dans le désert de Californie, dans le Mojave, à Joshua Tree, Rancho de la Luna, qui est un endroit magique. Et il a été extrêmement inspiré par beaucoup de lieux solitaires. On n'est pas solitaire ce soir. Merci d'être là. Johnny, take me. I don't know where should I land. Faire un petit cover de PJ Harvey si vous voulez. Ça vous tente? Okay. En fait, on riait parce qu'on n'est pas parti de la bonne tonalité, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on riait comme des imbéciles. Elle n'est pas drôle du tout, cette chanson. beaucoup. Merci beaucoup à Kensico. Oui, oui, allez voir le site hein, Kensico Musique sur les internets. Merci à Darren aussi. Merci à vous d'avoir été là. On se tient au courant. Là-dessus, on a une belle surprise pour vous. Une VJ qui était pas nécessairement à l'horaire au départ, mais qu'on est très content de voir parce que, vous savez, Doudou.org, on existe dans plusieurs villes au Québec et à Shawinigan, il y a une communauté très vibrante et c'est là-dessus qu'on accueille la première VJ de la soirée et Arnaud, je le remercie là-dessus. Il va prendre son set juste après. On accueille la très charmante Camille qui va nous faire un petit 30 minutes de produits du terroir de Shawinigan et de la région autour. Merci beaucoup, Camille. Très content de t'avoir ici.